verra les continents qui hantent l'atmosphère, voler sans ses mines dans un brouillard vert, pénétrant les corps jusque dans la cave, et de manger à l'or brûlante fut la lave qui s'écoula alors grand comme des horizons, racontant de farouches histoires de maisons grandes comme des cités, savoir excentrique où la vie fourmillait de héros électriques, la lumière était vive, débordant de contraste, pour recevoir convive une batterie de ballast, s'étonnant d'être là, prêt à vomir le feu, sacrifiant tout la foi, la haine au bout d'un pieu. La mitraille se charge de briser l'os, la peur a ménagé. Froide comme une huître givrée du matin vaut rien. Passe l'âge du haut d'un rempart, se pense sur les ventres des valeurs du monde intérieur, piégé entre le bien et le mal, entre le feu et le sale, et se perd à penser qu'en d'autres lieux, en d'autres heures, qu'un dragon l'apprendrait, lui ouvrirait le cœur, qu'une rivière de sang épais coulerait pour le bonheur de la flore, s'épanouirait, l'heure de force et de fureur, et tout submergerait sans la moindre once de rancœur. Et partiront les flammes, en bâtiront les crânes, vendez-moi les organes, vendez-moi vos.